Chapitre 23. La bordure médiane, Naboo. Avar Chris se pencha sur l'élégante balustrade en pierre sculptée afin de scruter de l'autre côté du lac un îlot boisé dont le centre s'élevait en formant un petit sommet. En dehors d'un modeste village dont les bâtiments aux toits orange se massaient au bord du lac, l'île offrait le spectacle d'une nature préservée. Varikino, dit Elzarman en s'approchant d'elle. Elle lui jeta un coup d'œil. Il avait l'air en forme. Joyeux même, vu l'éclat dans ses yeux noirs et le sourire qui illuminait son visage, même si on pouvait mettre cette attitude sur le compte de la boisson qu'il tenait en main, une substance verte dans un verre de dégustation sans pied. Elle en ignorait la nature, mais connaissant Elzar, il s'agissait vraisemblablement du meilleur alcool disponible chez leurs hôtes. Et compte tenu des hôtes en question, on pouvait miser sur une qualité exceptionnelle. « Pardon ?» fit-elle. « Varikino, » répéta-t-il en désignant l'île avec sa coupe. « C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une retraite pour les artistes. Un lieu où les créatifs qui ont du mal à cohabiter avec la société se réfugient pour cogiter sur des sujets profonds. Il y a un poète là-bas, un dénommé Omar Berenko. Brillant, à ce qu'on dit. » Elzar lui jeta un regard. Il passa la main dans ses cheveux sombres, coupés courts et naturellement ondulés. « Ça m'a l'air plutôt agréable, » poursuivit-il. « On devrait s'en souvenir une fois que nous serons trop vieux pour que l'ordre nous trouve une utilité. Ça m'irait bien de finir mes jours à méditer en paix. Je trouverai peut-être une méthode pour pêcher avec la force. » Il but une gorgée et prit une expression impressionnée. « Avec une bonne réserve de ce truc à proximité. Par la lumière, c'est fameux. » « Fais-moi goûter. » demanda Avar, et il lui tendit sa coupe. Elle but un peu de liqueur dont le goût épicé et doux lui picota la langue. « Pas de doute, c'est délicieux, » conclut-elle. « Mais doucement, nous sommes venus ici en mission. » Elzar but une dernière fois avant de reposer le verre sur la rambarde. Un droïde serviteur doré et étincelant s'empressa de le ramasser avant de se retirer à l'écart, sans pour autant s'éclipser au cas où les deux Jedi auraient besoin d'autre chose. « Tes propriétaires sont-ils en route ?» demanda Avar au droïde. « Nous patientons depuis un moment déjà. »« Bien sûr, maître Jedi, » répondit-il d'une voix qui sonnait agréablement à l'oreille. « Maître Marlowe et maître Vélis mènent à bien une tâche urgente, mais ils m'ont fait savoir qu'ils ne tarderaient plus. Vous pouvez vous asseoir pour les attendre si vous le désirez. » Le droïde désigna d'un long bras languide une zone de repos dans la véranda, meublée de canapés et de fauteuils rembourrés, ainsi que d'une table basse en quartz, où l'on avait disposé des rafraîchissements. Avar en déduisit que c'était là qu'Elzar avait trouvé sa coupe. Quel déploiement de richesses! Seules les plus riches familles de la galaxie pouvaient se permettre de posséder un domaine dans la contrée des lacs de Naboo. Cela dit, le décor ne donnait pas une impression de luxe ostentatoire, mais plutôt de soin et de bon goût. Les propriétaires de cette demeure ne cherchaient pas à impressionner. Tous les choix de décoration tendaient vers la simplicité et l'intégration à l'environnement naturel, ce qui était impressionnant en soi. Comme pour le souligner, une douce brise balaya le patio et fit onduler les mille à fleurs suspendues au tonnel. Leur fragrance satura l'odorat d'Avar et la beauté de la scène fit s'épanouir le chant de la force. Il était facile d'oublier qu'ils étaient venus ici afin de poursuivre l'enquête sur la crise galactique en cours. Elle se força à se concentrer. Elle attendrait sa retraite pour s'absorber dans la contemplation méditative. Et l'espace d'un instant, très bref, elle s'autorisa à envisager l'idée de la passer avec Elzar Mann. Elle ne lui en parlerait jamais, bien sûr, sinon il ne cesserait de lui en rebattre les oreilles. Une autre émergence, une autre tragédie était survenue dans le système Ringlight, et des milliers d'habitants avaient péri. Seuls les vaillants efforts des unités de sécurité locales avaient permis d'éviter le pire. La chancelière Sceau avait dû étendre de nouveau la portée du cordon de sécurité hyperspatial, Le sénateur Nour n'avait pas contesté cette mesure dont la nécessité sautait aux yeux, mais la pression montait. Il fallait résoudre le mystère une bonne fois pour toutes. Et la réunion de ce jour pouvait en être la clé. Comme s'ils avaient lu dans ses pensées, deux hommes apparurent à l'entrée du patio et se dirigèrent vers elle et Elzar. Marlowe et Vélis, l'héritier de l'Empire des Santeca et son mari. Ils étaient tous les deux pâles et blonds aux yeux bleus. La similitude s'arrêtait là toutefois. Les traits de Vélis semblaient sculptés dans du granit, tandis que ceux de Marlowe étaient doux. Ils formaient un couple harmonieux, cela dit, et à l'image de leur demeure, il émanait d'eux une impression de richesse, de confort et de sérénité. Elle se demanda ce qu'auraient pensé les ancêtres de Marlowe en voyant ce qu'était devenue la famille. Le clan Santeca avait fait fortune un siècle auparavant dans le domaine de la prospection hyperspatiale. Ces individus mal dégrossis dénichaient des routes traversant les régions les plus sauvages de la galaxie, tout comme les explorateurs planétaires recherchaient des cols pour franchir les chaînes de montagnes les plus périlleuses. La prospection hyperspatiale présentait autant de dangers. Nombre de ceux qui s'y risquaient disparaissaient à tout jamais, dérivant dans le néant sans aucun moyen de rentrer chez eux. Mais les Santeca paraissaient avoir un don, et ils trouvaient régulièrement les trajets les plus courts et les plus rapides pour se rendre d'un point à l'autre de la galaxie. Ils vendaient ces routes aux commerçants, aux gouvernements et aux entrepreneurs, et il leur arrivait même de mettre en place des péages où l'on pouvait télécharger des données de navigation payante. Toutes ces sources de revenus s'étaient accumulées. Désormais, les Santeca comptaient parmi les plus riches familles de la galaxie, et leurs équipes de prospecteurs, dorénavant qualifiés d'hypergéomètres pour donner au métier une certaine forme de respectabilité, continuaient à flairer de lucratifs nouveaux chemins entre les étoiles. La galaxie était infinie, et des voyageurs seraient toujours intéressés à la traverser plus vite et plus sûrement. « Bienvenue dans notre demeure, » dit Marlowe en tendant la main à Avar. « C'est un honneur que d'accueillir des invités Jedi. » Elle lui serra brièvement la main. Elzar l'imita avec Vélis. « Je vous en prie, asseyez-vous, » invita ce dernier en désignant le canapé. « Le droïde serviteur me fait savoir que vous avez déjà goûté l'essence de tournesoie, une de mes liqueurs favorites. Mais vous pouvez en découvrir beaucoup d'autres. Tout ce que vous voudrez. »« Merci, » répondit la Jedi. Le groupe s'installa et Avar se projeta discrètement dans la force pour sentir l'état émotionnel de leurs hôtes. Ils étaient entièrement détendus, ce qui ne l'étonnait nullement. Un splendide patio au bord du lac avec votre bien-aimé à vos côtés et suffisamment de crédit pour 1000 existences? Bien sûr que les Santeca étaient détendus. Le sénateur Nour nous a expliqué que vous enquêtiez sur cette affreuse catastrophe dans la bordure extérieure, dit Marlowe en remplissant un verre d'un liquide rouge avant de le tendre à Vélis. J'ignore comment nous pouvons vous aider, mais nous le ferons volontiers. Izzet est un vieil ami, et nous savons qu'il est responsable de la bordure extérieure. Il n'a qu'à demander, vraiment. Sans parler de tous ceux qui se trouvent en première ligne, intervint Elzar d'une voix légèrement cassante. Naturellement, dit Vélis. Nous sommes tous la République. Les émergences sont déjà bien assez préoccupantes, et nous travaillons sur un système permettant de prévoir les prochains phénomènes, annonça Avar. Vraiment? C'est intéressant. Commenta Marlowe. Comment est-ce possible? Il se trouve que le ministère de la technologie de Hetzal Prime comptait un analyste système de génie. Il est en train de mettre en place un réseau de navidroïdes en reliant leurs processeurs pour exploiter les données dont nous disposons jusqu'ici sur le désastre d'origine et toutes les émergences. Rien n'est encore fait. Le problème tient apparemment à la possibilité de se procurer assez de droïdes pour procéder aux calculs. Marlowe et Vélis échangèrent un bref regard. Ils se transmirent des informations sans un mot, sans que même Avar ne puisse détecter ce qu'ils échangeaient. « Nous pouvons probablement vous aider dans ce domaine, » déclara Vélis. « Nous disposons d'un ensemble d'algorithmes propriétaires qui nous servent à modéliser les routes hyperspatiales. Si votre analyste sur Hetzal est intéressé, nous pouvons lui envoyer quelques-uns de nos navulateurs, des spécialistes des hypervoies. » pour l'aider à affiner son système. En général, nous préférons que nos secrets professionnels demeurent confidentiels, ajouta Marlowe. Mais des vies sont en jeu. Merci beaucoup, répondit Avar. C'est très généreux à vous. Nous vous mettrons en contact avec l'analyste. Il s'appelle Kevin Tarr. Je suis sûr qu'il acceptera toute l'aide qu'on peut lui fournir. Mais ce n'est pas vraiment la raison de notre présence, intervint Elzar. Ah ? Fit Marlowe en haussant un fin sourcil. Il ne s'agit pas que d'arrêter les émergences. Nous voulons nous assurer qu'aucun accident semblable à celui du Legacy Run ne se reproduise. Et il nous faut donc en trouver la cause. Votre famille en sait davantage sur l'hyperespace que quiconque à ce que nous a dit le sénateur Noor. Avez-vous des théories ? Eh bien, nous avons consulté les rapports sur l'Holonet, mais ils sont plutôt avares de détails. Disposez-vous d'informations supplémentaires ? Elzar fouilla dans sa tunique pour en extraire une datapuce qu'il tendit à Vélis. Voici tout ce que nous avons jusqu'ici, dit-il. Le personnel du bureau des transports de la République a analysé l'épave, et si l'on en croit ce qui ressort des traces d'usure, on dirait bien que le Legacy Run s'est désintégré lors du transit. Une collision ? Demanda Marlowe. Non, répondit Avar. Il semblerait que le vaisseau ait tenté d'exécuter une manœuvre qui a surmené sa superstructure jusqu'au point de rupture. Je simplifie à l'excès, mais il semble s'être littéralement disloqué. Vélis et Marlowe demeurèrent muets un moment. Vélis posa son verre. Avar ne l'avait même pas vu goûter sa boisson. Vous le savez très certainement tous les deux, mais par définition, il n'existe aucune raison de manœuvrer dans l'hyperespace. C'est le vide. Il n'y a rien à percuter. On calcule très précisément les itinéraires pour éviter des collisions de cet ordre. Nous sommes au courant, dit Elzar. Tout le monde le sait. Mais... quelque chose s'est produit là-bas et des gens continuent à mourir et à souffrir dans la bordure extérieure. Prétendre que c'est impossible n'est qu'une perte de temps. Il désigna la datapuce que Vélis avait toujours à la main. Nous examinons diverses possibilités. Tout figure sur cette puce. Nous avons d'abord pensé à une erreur du pilote, mais nous nous sommes renseignés. Le capitaine du Legacy Run était une femme du nom de Edda Cassett. Ancienne militaire, vétérane décorée, difficile de l'imaginer commettre une erreur qui causerait la destruction de son vaisseau. Selon les rapports, elle était sérieuse et appliquée. « Une mutinerie, alors ?» suggéra Marlowe. « Pourquoi ça ?» répondit Avar. « Le vaisseau était plein de colons. Un trajet de routine depuis le noyau jusqu'au territoire de la bordure extérieure. Rien d'inhabituel ni de particulièrement précieux à bord. » De curieux phénomènes psychologiques peuvent survenir quand on voyage dans l'espace profond, expliqua Marlowe. Vous auriez du mal à croire certaines de nos anecdotes familiales. La folie s'installe parfois sans crier gare. Possible, dit Elzar. Mais il s'agissait d'un vol direct sur une route fréquentée. Les fonctionnaires du BTR ont interrogé quelques-uns des survivants que nous avons sauvés et leur témoignage n'allait pas dans ce sens. La mutinerie est très loin de figurer parmi les premières hypothèses. Un dysfonctionnement mécanique, peut-être, proposa Vélis. Pas impossible, mais peu probable, poursuivit Avar. Le Legacy Run était un vaisseau ancien, mais les registres d'entretien montrent que la capitaine Cassett le maintenait en parfait état. Il venait de subir une révision complète deux trajets avant le voyage qui a causé sa perte. La théorie que nous privilégions, intervint Elzar, c'est qu'il a rencontré quelque chose sur la voie hyperspatiale et tenté d'éviter une collision. Impossible, fit Marlowe. Je viens de vous le dire. L'hyperespace ne fonctionne pas de cette façon. Avar surprit une infime impulsion de la part d'Elzar. Il ne s'agissait ni d'un mot, ni d'un message, mais de quelque chose qu'elle comprenait aussi bien. Elle connaissait Elzar Mann depuis fort longtemps. Ils avaient été novices ensemble, puis padawan, ce qui leur avait permis de créer des liens, une connexion au travers de la force qui leur permettait parfois de communiquer sans l'usage de la parole. Mais si Elzar avait employé des mots pour s'exprimer, il lui aurait sans nul doute dit tout simplement « il ment ». Elzar était plus à même qu'elle de détecter la tromperie. Pour ce qui touchait à son don spécifique, la compréhension innée de la façon dont la force effleurait toute vie dans la galaxie, il n'existait peut-être aucun Jedi plus compétent qu'elle dans l'ordre tout entier. Excepté peut-être Maître Yoda. Mais lorsqu'il s'agissait de comprendre ses semblables, C'était Elzar Mann, l'expert. Il n'avait peut-être même pas besoin de la force pour y parvenir. Elle le soupçonnait toutefois d'envisager d'utiliser la force à cet instant, ce que la plupart des Jedi appelaient contact mental et que lui-même qualifiait de manipulation mentale. Selon lui, la formule décrivait plus honnêtement le phénomène. Elzar allait lever deux doigts pour effectuer un geste subtil. Toucher l'esprit de Marlowe Santeca au moyen de la force, et ensuite Marlowe ferait exactement ce qu'Elzar lui dirait. Le contact mental comptait parmi les instruments de la lumière, Avar le savait, mais elle préférait une approche indirecte lorsqu'il s'agissait d'interférer de façon aussi ciblée sur la voix d'autrui. Elzar nourrissait ses propres réserves lui aussi, mais il considérait la technique comme un moyen d'ouvrir l'interlocuteur à la vérité, de lui transmettre une forme de lucidité et de lui permettre de sentir la volonté de la force. En d'autres termes, Elzar résolvait des problèmes et le contact mental était un moyen très sûr d'arriver à ses fins. Avar envoya elle-même une impulsion par l'intermédiaire de leur lien, une impulsion simple et directe qu'il comprendrait aussitôt. Non. Elzar tourna vers elle un visage sans expression, mais qu'elle n'avait aucun mal à déchiffrer. Sa bouche s'incurva brièvement en un petit sourire. « D'accord, tu m'as eu. » Avant qu'il ne reporte son attention sur les Santeca. « Êtes-vous absolument certain qu'une collision est impossible, Vélis ?» demanda Avar. « Peut-être qu'un vaisseau abandonné ou un astéroïde ? Il doit bien exister un moyen pour un objet de partir à la dérive dans les voies hyperspatiales. » Vélis secoua la tête. L'hyperespace ne se comporte pas comme l'espace réel. Une fois qu'un vaisseau ou n'importe quel objet y pénètre, il n'a aucun moyen de rencontrer quoi que ce soit d'autre. Il se trouve dans une bulle d'espace-temps avec laquelle rien ne peut interagir, car chaque hypervoie constitue, à notre connaissance, son propre plan d'existence distincte. Avar savait qu'elle se rappellerait ces paroles chaque fois qu'elle voyagerait dans l'hyperespace jusqu'à la fin de ses jours. Les sauts en hyperespace faisaient partie de la routine désormais. Mais chaque fois qu'on en faisait un, on s'éloignait de tout ce qui pouvait paraître familier pour circuler dans un nouvel univers, un nouveau monde. L'indescriptible immensité du champ de la force, malgré toute sa splendeur, lui donnait parfois l'impression d'être insignifiante, malgré toute sa concentration et son expérience. Cela la laissait comme étourdie. Une nouvelle impulsion de la part d'Elzar. Il ment. Ce à quoi elle répondit de nouveau, non. « Quoi qu'il en soit, » reprit Avar, « le Legacy Run a été détruit, et avec lui ses nombreux occupants, et des millions de personnes ont péri depuis dans les émergences. Votre famille a davantage étudié l'hyperespace que quiconque dans la galaxie. Avez-vous déjà croisé pareil phénomène ?»« Non, » répondit tout simplement Marlowe, et cette fois Elzar ne manifesta aucune incrédulité. « Vous ne pensez donc pas qu'il s'agisse d'un problème lié à l'hyperespace ?» s'enquit Elzar. « Nous consulterons vos données, » dit Vélis en tendant la datapuce. « Mais pour le moment, nous avons du mal à concevoir cette possibilité. Je ne crois pas qu'il faille vous inquiéter d'un autre accident comme celui du Legacy Run. Selon nous, en nous basant sur plus d'un siècle d'expérience sur ces voies, nous avons affaire à un événement tout à fait unique. » conclut Marlowe. Avar se leva et Elzar l'imita en dissimulant sa surprise. « Merci, » dit-elle. « Nous ne pouvons exprimer combien nous apprécions que vous envoyiez du monde aider Keventar sur Etzal. Nous allons maintenant partir pour notre prochain rendez-vous. Mais si d'autres questions nous viennent, pouvons-nous vous contacter ?»« Naturellement, » répondit Marlowe en se levant lui aussi. « Comme je vous l'ai dit, c'est un honneur et un privilège que d'apporter toute l'aide requise aux Jedi et à la République. » Après un dernier échange de formules de politesse, Avar et Elzar quittèrent le complexe des Santeca pour rejoindre le Long Beam qu'ils avaient pris pour se rendre sur Naboo. Ils les attendaient sur une plateforme juste derrière le portail. « Ils nous cachent quelque chose, » déclara Elzar. Malgré son ton léger, elle le savait frustré. Une émotion familière chez lui. Il cherchait, furetait sans cesse, avec insistance. « J'en suis persuadé, Elzar. Ce sont des hommes d'affaires. Nous ignorons si ce qu'ils s'abstenaient de nous révéler était pertinent, cela dit. Les Santeca ne me paraissent pas malveillants. Au contraire, en fait. Ils offrent de partager quelques-uns de leurs secrets les plus jalousement gardés pour sauver des vies. Elzar ne répondit pas, mais elle sentit qu'il devait bien en convenir, fût-ce à contre-cœur. Poursuivons notre enquête, et voyons si nous pouvons en apprendre davantage. Au besoin, nous pourrons revenir les interroger. Nous avons progressé. Tu devrais t'en satisfaire. La boisson était bonne. C'est déjà ça. Conclut Elzar en ouvrant la voie vers le Longbeam qui les attendait. La brise soufflait sur la véranda. Et Marlowe, comme Vélis et Santeca, assis en silence, contemplait l'île de Varikino de l'autre côté du lac, là où de singuliers génies s'affairaient à l'écart du monde, créant des œuvres d'art que nul ne verrait sans doute jamais hors de cette petite île. Tu sais à qui ça me fait penser, n'est-ce pas? Vélis leva son verre de vin, tapota le bord du bout de l'ongle plusieurs fois, puis le reposa sur la table de quartz. Impossible, répondit Marlowe. Elle ne peut pas être en vie. Ce serait une véritable antiquité. Je l'espère, répondit Vélis. Pour son propre bien, par tous les dieux. Le soleil étincela sur les vaguelettes du lac, et tous deux songèrent au passé de leur clan, à l'origine réelle de leur immense fortune et à la terrible tragédie qui se trouvait au cœur de cette histoire. Oui, je l'espère.